Dans certains tunnels, pour respecter les distances de sécurité, on trouve des lumières bleues? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des chevrons? Oui, réponse C. Non, réponse D.